Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Le dimanche 25 août, un concert gratuit, ça se passera au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, dans le cadre du Théâtre de Verdure, et ce sera Julien Madi. Bonjour Julien. Bonjour Yves. Alors ce concert gratuit, dimanche 25 août, comment c'est venu cette opportunité ? On m'a contacté en fait pour participer à cette formule. Au départ c'était peut-être pour un spectacle pour les enfants, parce que je fais aussi du jeune public, et puis les conditions techniques étaient plus favorables à faire un concert dans ce petit auditorium là en plein air. Tu as sorti le 21 juin, Heureux quand même, ton nouvel EP. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas sorti d'album ? Ça faisait un moment. J'avais besoin de faire une pause un peu sur mes sorties. Puis j'ai fait plein de choses en fait. J'ai fait des albums pour d'autres gens. Mmh. J'ai écrit pas mal de chansons avec d'autres artistes. Et puis il est venu un temps où il fallait que je me recentre sur mon projet. Et j'avais plein de chansons que j'avais accumulées. Donc j'en ai pris 6. Elles font un peu un bilan des 7 dernières années de ma vie. Voilà. Donc tu as déjà sorti Ma haine est dérisoire. Alors j'ai sorti À fleur de peau, Ma haine est dérisoire. À fleur de peau, oui, c'est vrai. Voilà, en tout premier. Donc j'ai commencé en mars avec ce premier single avec un clip qu'on a tourné avec Loris Romano. Ensuite j'ai sorti Ma haine est dérisoire au mois de mai. Et puis enfin, Lily rêve en clip avec l'EP Heureux quand même, voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes. Le clip est sorti le jour de la sortie de l'EP ? Oui. Avec les événements, les élections, je me suis dit que c'était mieux de tout rassembler au même moment. On finira peut-être cet entretien avec ce titre, si tu veux bien. Avec plaisir, merci. Mais déjà, ton actualité proche, c'est ce dimanche 25 août à 15h, donc ce concert gratuit. Tu vas proposer quoi ce jour-là ? J'ai un spectacle seul en scène. Ouais. Qui s'appelle Heureux quand même, justement, dans lequel je vais présenter les morceaux de cette EP, plus d'autres qui seront sur des futures sorties. Et en fait, dans ce spectacle, j'expose un petit peu mon quotidien. Moi, mes chansons, elles parlent beaucoup de ma vie, mais finalement, par ce prisme-là, je pense qu'elles parlent aux autres et aux gens qui l'écoutent, parce que finalement, on traverse tous les mêmes épreuves. Tu l'adresses à quelqu'un en particulier, cette EP ? Je crois que je l'adresse à moi-même. Ouais. Finalement, parce que j'ai choisi cette chanson, ce titre Heureux quand même, par rapport à cette chanson Heureux quand même qui est dans l'EP. Et finalement, c'est une chanson assez résiliente, qui dresse un bilan et qui finalement laisse entrevoir la lumière quand on a vécu des choses pas très drôles et en se disant ça va aller. Voilà. Là, ce sera dans le cadre du Théâtre de Verdure, donc ce sera en extérieur, c'est ça ? C'est ça. C'est la première fois que tu vas jouer au Jardin j'ai Botanique ? Emmené ma fille. Oui, j'ai emmené ma fille, par contre, au Jardin Botanique, c'est magnifique. Vraiment, on a vraiment de la chance d'avoir ce petit trésor-là, ce petit bijou vert. Donc, ça va être la première fois que je vais y jouer, mais du coup, j'espère pas la dernière, et puis j'espère pouvoir me balader un petit peu, parce que le parc est vraiment magnifique. Effectivement, donc ce sera le 25 août, et en clôture, du Théâtre c'est de Verdure. En clôture, donc, à 15h, ouais. À 15h, donc on n'hésite pas, en plus c'est gratuit sans réservation, l'entrée du jardin est gratuite aussi. C'est ça. Et des projets pour la rentrée déjà, ou pas ? Pour la rentrée, là, y a mon 7 EP donc, qui va sortir, mais en physique. En physique, là, ouais. Voilà, et je prévois donc de rajouter un titre inédit pour inciter les gens à l'acheter, parce que finalement, c'est vrai qu'on consomme la musique beaucoup sur les plateformes, mais ce qu'il y a de les artistes, garder une trace des artistes, c'est aussi avoir un objet. Et finalement, je pense que les gens ne perdent pas de vue quand même cet objet-là qui devient collector, même si plus personne n'a de manche-disque dans sa voiture ou quoi que ce soit, conserver un objet, quelque chose, c'est important. On y revient. Ça reviendra peut-être, les manches-disques. Regarde, les platines vinyles sont venues, donc pourquoi pas. Ça sera vintage. Exact. On continue en musique. Alors, le titre de Lily ? Allez, Lily rêve, ça marche. C'est parti. Lily dehors, si le monde s'arrête, c'est qu'il aime te regarder danser. Il est suspendu à la fenêtre. Toi, tu n'en finis plus de tourner. Est-ce que ça tourne rond ? Drôle de planète. On se masque à longueur de journée. On le tombe aussi vite qu'on le jette. Sitôt que tu embrasses Morphée. Quand tu rêves, nous on rêve éveillé. Et quand vient la trêve, on se penche sur toi. On fait l'état du monde qu'on te laissera. De son inévitable urgence. Lily, on fera du mieux qu'on peut, je crois. Et je sais pas si ça suffira. Mais s'il reste une infime chance, on ne baisse jamais les bras. viendrais tout gâcher. Seul l'amour qui transperce mon être suffira, j'espère, à te guider. Petit oiseau, sors vite de ta cachette. Dans mes bras, tu seras protégé. Bien qu'un jour, je sais, il